Carol Flanders, 14e partie. Si bien que je résolus de lui ouvrir mon cœur. Je lui dis l'histoire de mon mariage du Lancashire et comment nous avions été déçus tous deux. Comment nous nous étions rencontrés et comment nous nous étions séparés. Comment il m'avait affranchi autant qu'il avait été en son pouvoir et m'avait donné pleine liberté de me remarier, jurant que s'il l'apprenait, jamais il ne me réclamerait, ne me troublerait ou me ferait reconnaître. Que je croyais bien être libre, mais que j'avais affreusement peur de m'aventurer, de crainte des conséquences qui pourraient suivre en cas de découverte. Puis je lui dis la bonne offre qu'on me faisait, lui montrai les lettres de mon ami où il m'invitait à Londres et avec quelle affection elles étaient écrites. Mais j'effaçai son nom et aussi l'histoire du désastre de sa femme, sauf la ligne où il disait qu'elle était morte. Elle se mit à rire de mes scrupules pour me marier et me dit que l'autre n'était point un mariage, mais une duperie sur les deux parts, et qu'ainsi que nous nous étions séparés de consentement mutuel, la nature du contrat était détruite et que nous étions dégagés de toute obligation réciproque. Elle tenait tous ses arguments au bout de sa langue, et, en somme, elle me raisonna hors de ma raison, non que ce fût aussi par l'aide de ma propre inclination. Mais alors vint la grande et principale difficulté qui était l'enfant. Il fallait, me dit-elle, s'en débarrasser, et de façon telle qu'il ne fût jamais possible à quiconque de le découvrir. Je savais bien qu'il n'y avait point de mariage pour moi si je ne dissimulais pas que j'avais eu un enfant, car il aurait bientôt découvert par l'âge du petit qu'il était né, bien plus qu'il avait été fait depuis mes relations avec lui, et toute l'affaire eût été détruite. Mais j'avais le cœur serré avec tant de force à la pensée de me séparer entièrement de l'enfant, et, autant que je pouvais le savoir, de le laisser assassiner ou de l'abandonner à la faim et au mauvais traitement, ce qui était presque la même chose que je n'y pouvais songer sans horreur. Toutes ces choses se représentaient à ma vue sous la forme la plus noire et la plus terrible. Et comme j'étais très libre avec ma gouvernante, que j'avais maintenant apprise à appeler mère, je lui représentai toutes les sombres pensées qui me venaient là-dessus et lui dis dans quelle détresse j'étais. Elle parut prendre un air beaucoup plus grave à ces paroles qu'aux autres. Mais ainsi qu'elle était endurcie à ces choses, au-delà de toute possibilité d'être touchée par le sentiment religieux et les scrupules du meurtre, ainsi était-elle également impénétrable à tout ce qui se rapportait à l'affection. Elle me demanda si elle ne m'avait pas soignée et caressée pendant mes couches comme si j'eusse été son propre enfant. Je lui dis que je devais avouer que oui. « Eh bien, ma chère, dit-elle, et quand vous serez partie, que serez-vous pour moi? Et que pourrait-il me faire d'apprendre que vous allez être pendue? Pensez-vous qu'il n'y a pas des femmes qui, parce que c'est leur métier et leur gagne-pain, mettent leur point d'honneur à avoir soin des enfants autant que si elles étaient leur propre mère? Allez, allez, mon enfant, dit-elle, ne craignez rien. Comment avons-nous été nourris nous-mêmes? Êtes-vous bien sûr d'avoir été nourris par votre propre mère? Et pourtant, voilà de la chair potelée et blonde, mon enfant, dit la vieille mégère en me passant la main sur les joues. N'ayez pas peur, mon enfant, dit-elle en continuant sur son ton enjoué. Je n'ai point d'assassin à mes ordres. J'emploie les meilleures nourrices qui se puissent trouver, et j'ai aussi peu d'enfants qui périssent en leurs mains que s'ils étaient nourris par leur mère. Nous ne manquons ni de soins ni d'adresse. » Elle me toucha au vif quand elle me demanda si j'étais sûre d'avoir été nourrie par ma propre mère. Au contraire, j'étais sûre qu'il n'en avait pas été ainsi. Et je tremblai et je devins pâle sur le mot même. « Sûrement, me dis-je, cette créature ne peut être sorcière, et avoir tenu conversation avec un esprit qui pût l'informer de ce que j'étais avant que je fusse capable de le savoir moi-même. » Et je la regardai pleine d'effroi. Mais réfléchissant qu'il n'était pas possible qu'elle sût rien sur moi, mon impression passa, et je commençai de me rassurer, mais ce ne fut pas sur le champ. Elle s'aperçut du désordre où j'étais, mais n'en comprit pas la signification. De sorte qu'elle se lança dans d'extravagants discours sur la faiblesse que je montrais, en supposant qu'on assassinait tous les enfants qui n'étaient pas nourris par leur mère, et pour me persuader que les enfants qu'elle mettait à l'écart étaient aussi bien traités que si leur mère elle-même leur eût servi de nourrice. « Il se peut, ma mère, lui dis-je, pour autant que je sache, mais mes doutes sont bien fortement enracinés. Eh bien donc, dit-elle, je voudrais en entendre quelques-uns. Alors, dis-je, d'abord, vous donnez à ces gens une pièce d'argent pour ôter l'enfant de dessus les bras des parents et pour en prendre soin tant qu'il vivra. Or, nous savons, ma mère, dis-je, que ce sont de pauvres gens, et que leur gain consiste à être quittes de leur charge le plus tôt qu'ils peuvent. Comment pourrais-je douter que, puisqu'il vaut mieux pour eux que l'enfant meure, ils n'ont pas un soin par trop minutieux de son existence ? Tout cela n'est que vapeurs et fantaisies, dit-elle. Je vous dis que leur crédit est fondé sur la vie de l'enfant, et qu'ils en ont aussi grand soin qu'aucune mère parmi vous toutes. « Oh, ma mère, dis-je, si j'étais seulement sûre que mon petit bébé sera bien soigné et qu'on ne le maltraitera pas, je serais heureuse. Mais il est impossible que je sois satisfaite sur ce point, à moins de le voir de mes yeux. Et le voir serait en ma condition ma perte et ma ruine, si bien que je ne sais comment faire. Belle histoire que voilà, dit la gouvernante. Vous voudriez voir l'enfant et ne pas le voir. Vous voudriez vous cacher et vous découvrir tout ensemble. Ce sont là des choses impossibles, ma chère, et il faut vous décider à faire tout justement comme d'autres mères consciencieuses l'ont fait avant vous et vous contenter des choses telles qu'elles doivent être, quand bien même vous les souhaiteriez différentes. » Je compris ce qu'elle voulait dire par « mère consciencieuse ». Elle aurait voulu dire « consciencieuse catin », mais elle ne désirait pas me désobliger, car en vérité, dans ce cas, je n'étais point une catin, étant légalement mariée, sauf toutefois la force de mon mariage antérieur. Cependant, que je fusse ce qu'on voudra, je n'en étais pas venue à cette extrémité d'endurcissement commune à la profession. Je veux dire à être dénaturée et n'avoir aucun souci du salut de mon enfant, et je préservais si longtemps cette honnête affection que je fus sur le point de renoncer à mon ami de la banque qui m'avait si fortement pressé de revenir et de l'épouser qu'il y avait à peine possibilité de le refuser. Enfin, ma vieille gouvernante vint à moi avec son assurance usuelle. « Allons, ma chère, dit-elle, j'ai trouvé un moyen pour que vous soyez assuré que votre enfant sera bien traité. Et pourtant, les gens qui en auront charge ne vous connaîtront jamais. « Oh, ma mère, dis-je, si vous pouvez y parvenir, je serai liée à vous pour toujours. »« Eh bien, dit-elle, vous accorderez-vous à faire quelques petites dépenses annuelles plus fortes que la somme que nous donnons d'ordinaire aux personnes avec qui nous nous entendons ?»« Oui, oui, dis-je, de tout mon cœur, pourvu que je puisse rester inconnue. » »« Pour cela, dit-elle, vous pouvez être tranquille, car jamais la nourrice n'osera s'enquérir de vous, et une ou deux fois par an, vous viendrez avec moi voir votre enfant et la façon dont il est traité, et vous vous satisferez sur ce qu'il est en bonne main, personne ne sachant qui vous êtes. Mais, lui dis-je, croyez-vous que lorsque je viendrai voir mon enfant, il me sera possible de cacher que je sois sa mère ? Croyez-vous que c'est une chose possible ? Eh bien, dit-elle, même si vous le découvrez, la nourrice n'en saura pas plus long. On lui défendra de rien remarquer. Et si elle s'y hasarde, elle perdra l'argent que vous êtes supposé devoir lui donner et on lui ôtera l'enfant. Je fus charmée de tout ceci, de sorte que la semaine suivante, on amena une femme de la campagne, de Hertford ou des environs, qui s'accordait à ôter l'enfant entièrement de dessus nos bras pour 10 livres d'argent. Mais si je lui donnais de plus 5 livres par an, elle s'engageait à amener l'enfant à la maison de ma gouvernante aussi souvent que nous désirions, ou bien nous irions nous-mêmes le voir et nous assurer de la bonne manière dont elle le traiterait. La femme était d'apparence saine et engageante. Elle était mariée à un manant, mais elle avait de très bons vêtements, portait du linge, et tout sur elle était fort propre. Et, le cœur lourd, après beaucoup de larmes, je lui laissai prendre mon enfant. Je m'étais rendu à Hertford pour la voir, et son logement, qui me plut assez. Et je lui promis des merveilles si elle voulait être bonne pour l'enfant. De sorte que dès les premiers mots elle sut que j'étais la mère de l'enfant, mais elle semblait être si forte à l'écart et hors d'état de s'enquérir de moi que je crus être assez en sûreté, de sorte qu'en somme je consentis à lui laisser l'enfant et je lui donnai 10 livres, c'est-à-dire que je les donnai à ma gouvernante, qui les donna à la pauvre femme en ma présence, elle s'engageant à ne jamais me rendre l'enfant ou réclamer rien de plus pour l'avoir nourri et élevé. Sinon que je lui promettais, si elle en prenait grand soin, de lui donner quelque chose de plus aussi souvent que je viendrais la voir. De sorte que je ne fus pas contrainte de payer les 5 livres, sauf que j'avais promis à ma gouvernante de le faire. Et ainsi, je fus délivrée de mon grand tourment en une manière qui, bien qu'elle ne me satisfît point du tout l'esprit, pourtant m'était la plus commode dans l'état où mes affaires étaient alors, entre toutes celles où j'eusse pu songer. Je commençai alors d'écrire à mon ami de la banque dans un style plus tendre. Et en particulier, vers le commencement du mois de juillet. Je lui envoyai une lettre que j'espérais qu'il serait en ville à quelque moment du mois d'août. Il me retourna une réponse conçue dans les termes les plus passionnés qui se puissent imaginer, et me supplia de lui faire savoir mon arrivée à temps pour qu'il pût venir à ma rencontre à 2 journées de distance. Ceci me jeta dans un cruel embarras, et je ne savais comment y répondre. À un moment, j'étais résolue à prendre le coche pour Westchester, à seule fin d'avoir la satisfaction de revenir pour qu'il pût me voir vraiment arriver dans ce même coche. Car j'entretenais le soupçon jaloux, quoique je n'y eusse aucun fondement, qu'il pensât que je n'étais pas vraiment à la campagne. J'essayai de chasser cette idée de ma raison, mais ce fut en vain. L'impression était si forte dans mon esprit qu'il m'était impossible d'y résister. Enfin, il me vint à la pensée, comme addition à mon nouveau dessein, de partir pour la campagne, que ce serait un excellent masque pour ma vieille gouvernante et qui couvrirait entièrement toutes mes autres affaires, car elle ne savait pas le moins du monde si mon nouvel amant vivait à Londres ou dans le Lancashire. Et quand je lui dis ma résolution, elle fut pleinement persuadée que c'était dans le Lancashire. Ayant pris mes mesures pour ce voyage, je le lui fis savoir, et j'envoyai la servante qui m'avait soignée depuis les premiers jours pour retenir une place pour moi dans le coche. Elle aurait voulu que je me fisse accompagner par cette jeune fille jusqu'au dernier relais en la renvoyant dans la voiture, mais je lui en montrai l'incommodité. Quand je la quittai, elle me dit qu'elle ne ferait aucune convention pour notre correspondance, persuadée qu'elle était que mon affection pour mon enfant m'obligerait à lui écrire et même à venir la voir quand je rentrerais en ville. Je lui assurai qu'elle ne se trompait pas, et ainsi je pris congé, ravie d'être libérée et de sortir d'une telle maison, quelque plaisante qui eussent été mes commodités. Je pris ma place dans le coche, mais ne la gardai pas jusqu'à destination. Mais je descendis en un endroit du nom de Stone, dans le Cheshire, où non seulement je n'avais aucune manière d'affaire, mais pas la moindre connaissance avec qui que ce fût en ville. Mais je savais qu'avec de l'argent dans sa poche, on est chez soi partout. De sorte que je logeai là 2 ou 3 jours. Jusqu'à ce que, guettant une occasion, je trouvai place dans un autre coche et pris un retour pour Londres, en voyant une lettre à mon monsieur, où je lui fixai que je serai tel et tel jour à Stony Stratford, où le cocher me dit qu'il devait loger. Il se trouva que j'avais pris un carrosse irrégulier qui, ayant été loué pour transporter à Westchester certains messieurs en partance pour l'Irlande, était maintenant sur sa route de retour et ne s'attachait point strictement à l'heure et au lieu, ainsi que le faisait le coche ordinaire. De sorte qu'ayant été forcé de s'arrêter le dimanche, il y avait eu le temps de se préparer à venir, et qu'autrement il n'eût pu faire. Il fut si pris de court qu'il ne put atteindre Stony Stratford assez à temps pour être avec moi la nuit, mais il me joignit à un endroit nommé Brickhill le matin suivant, juste comme nous entrions en ville. Je confesse que je fus bien joyeuse de le voir, car je m'étais trouvée un peu désappointée à la nuit passée. Il me charma doublement aussi par la figure avec laquelle il parut, car il arrivait dans un splendide carrosse, de gentilhomme, à 4 chevaux, avec un laquais. Il me fit sortir tout aussitôt du coche, qui s'arrêta à une hôtellerie de Brickhill, et, descendant à la même hôtellerie, il fit dételer son carrosse et commanda le dîner. Je lui demandai dans quelle intention il était, car je voulais pousser plus avant le voyage. Il dit que non, que j'avais besoin d'un peu de repos en route, et que c'était là une maison de fort bonne espèce, quoique la ville fût bien petite. de sorte que nous n'irions pas plus loin cette nuit, quoi qu'il en advînt. Je n'insistai pas beaucoup, car puisqu'il était venu si loin pour me rencontrer et s'était mis en si grand frais, il n'était que raisonnable de l'obliger un peu moi aussi, de sorte que je cédai facilement sur ce point. Après dîner, nous allâmes visiter la ville, l'église, et voir les champs et la campagne, ainsi que les étrangers ont coutume de faire. Et notre hôte nous servit de guide pour nous conduire à l'église. J'observai que mon monsieur s'informait assez du ministre, et j'eus vent aussitôt qu'il allait proposer de nous marier. Et il s'ensuivit bientôt qu'en somme je ne le refuserai pas, car pour parler net en mon état, je n'étais point en condition maintenant de dire non. Je n'avais plus de raison maintenant d'aller courir de tels risques. Mais tandis que ces pensées me tournaient dans la tête, ce qui ne fut que l'affaire de peu d'instants, j'observai que mon hôte le prenait à part et lui parlait à voix basse, quoique non si basse que je ne pusse entendre ces mots. « Monsieur, si vous devez avoir occasion… » Le reste, je ne pus l'entendre, mais il me semble que ce fut à ce propos. « Monsieur, si vous devez avoir occasion d'employer un ministre, j'ai un ami tout près qui vous servira et qui sera aussi secret qu'il pourra vous plaire. » Mon monsieur répondit assez haut pour que je l'entendisse. « Fort bien, je crois que je l'emploierai. » À peine fus-je revenu à l'hôtellerie qu'il m'assaillit de paroles irrésistibles, m'assurant que puisqu'il avait eu la bonne fortune de me rencontrer et que tout s'accordait, ce serait hâter sa félicité que de mettre fin à la chose sur le champ. « Quoi ? Que voulez-vous dire ? » m'écriai-je en rougissant un peu. « Quoi ? Dans une auberge ? Et sur la grande route ? Dieu nous bénisse, dis-je, comment pouvez-vous parler ainsi ? « Oh, dis-je, je puis fort bien parler ainsi. Je suis venu à seule fin de parler ainsi, et je vais vous faire voir que c'est vrai. » Et là-dessus, il tire un gros paquet de paperasses. « Vous m'effrayez, dis-je, qu'est-ce que tout ceci ? Ne vous effrayez pas, mon cœur, dit-il, et me baisa. C'était la première fois qu'il prenait la liberté de m'appeler son cœur. Puis il le répéta, « Ne vous effrayez pas, vous allez voir ce que c'est. » Puis il étala tous ses papiers. Il y avait d'abord l'acte ou arrêt de divorce d'avec sa femme et les pleins témoignages sur son inconduite. Puis il y avait les certificats du ministre et des marguilliers de la paroisse où elle vivait, prouvant qu'elle était enterrée et attestant la manière de sa mort. La copie de l'ordonnance de l'officier de la couronne, par laquelle il assemblait des jurés afin d'examiner son cas, et le verdict du jury qui avait été rendu en ces termes, non compos mentis. Tout cela était pour me donner satisfaction, quoique, soit dit en passant, je ne fusse point si scrupuleuse, s'il avait tout su, que de refuser de le prendre à défaut de ses preuves. Cependant, je regardai tout du mieux que je pus, et lui dis que tout cela était très clair, vraiment, mais qu'il n'eût point eu besoin de l'apporter avec lui, car il y avait assez le temps. « Oui, sans doute, dit-il, peut-être qu'il y avait assez longtemps pour moi, mais qu'aucun temps que le temps présent n'était assez le temps pour lui. » Il y avait d'autres papiers roulés, et je lui demandai ce que c'était. « Et voilà, justement, dit-il, la question que je voulais que vous me fissiez. » Et il tire un petit écrin de chagrin et en sort une très belle bague de diamants qu'il me donne. Je n'aurais pu la refuser si j'avais eu envie de le faire, car il la passa à mon doigt, de sorte que je ne fis que lui tirer une révérence. Puis il sort une autre bague. « Et celle-ci, dit-il, est pour une autre occasion, et la met dans sa poche. « Mais laissez-la moi voir tout de même, dis-je, et je souris. « Je devine bien ce que c'est, je pense que vous soyez fou. « J'aurais été bien fou, dit-il, si j'en avais fait moins. « Et cependant il ne me la montra pas, et j'avais grande envie de la voir, de sorte que je dis, « Mais enfin, laissez-la-moi voir !»« Arrêtez, dit-il, et regardez ici d'abord. » Puis il reprit le rouleau et se mit à lire, et voici que c'était notre licence de mariage. « Mais, dis-je, êtes-vous insensé? Vous étiez pleinement assuré, certes, que je céderais au premier mot, ou bien résolu à ne point accepter de refus ?» « La dernière chose que vous dites est bien le cas, répondit-il. « Mais vous pouvez vous tromper, dis-je. « Non, non, dit-il, il ne faut pas que je sois refusé. Je ne puis pas être refusé. » Et là-dessus, il se mit à me baiser avec tant de violence que je ne pus me dépêtrer de lui. Il y avait un lit dans la chambre, et nous marchions de long en large, tout plein de notre discours. Enfin, il me prend par surprise dans ses bras et me jeta sur le lit, et lui avec moi, et me tenant encore serré dans ses bras, mais sans tenter la moindre indécence, me supplia de consentir avec des prières et des arguments tant répétés, protestant de son affection et jurant qu'il ne me lâcherait pas que je ne lui eusse promis. Qu'enfin je lui dis, « Mais je crois en vérité que vous êtes résolu à ne pas être refusé. » « Non, non, dit-il, il ne faut pas que je sois refusé. Je ne veux pas être refusé. Je ne peux pas être refusé. » « Bon, bon, lui dis-je en lui donnant un léger baiser. « Alors on ne vous refusera pas. Laissez-moi me lever. » Il fut si transporté par mon consentement et par la tendre façon en laquelle je m'y laissais aller que je pensais du coup qu'il le prenait pour le mariage même et qu'il n'allait point attendre les formalités. Mais je lui faisais tort, car il me prit par la main, me leva et puis, me donnant deux ou trois baisers, me remercia de lui avoir cédé avec tant de grâce. Et il était tellement submergé par la satisfaction que je vis les larmes qui lui venaient aux yeux. Je me détournai, car mes yeux se remplissaient aussi de larmes, et lui demandai la permission de me retirer un peu dans ma chambre. Si j'ai eu une once de sincère repentir pour une abominable vie de 24 années passées, ça était alors. Oh, quel bonheur pour l'humanité, me dis-je à moi-même, qu'on ne puisse pas lire dans le cœur d'autrui. Comme j'aurais été heureuse si j'avais été la femme d'un homme de tant d'honnêteté et de tant d'affection depuis le commencement. Puis il me vint à la pensée, quelle abominable créature je suis, et comme cet innocent gentilhomme va être dupé par moi. Combien peu il se doute que, venant de divorcer d'avec une catin, il va se jeter dans les bras d'une autre, qu'il est sur le point d'en épouser une, qui a couché avec 2 frères, et qui a eu 3 enfants de son propre frère, une qui est née à Newgate, dont la mère était une prostituée, et maintenant une voleuse déportée. Une qui a couché avec 13 hommes et qui a eu 1 enfant depuis qu'il m'a vu. Pauvre gentilhomme, dis-je, que va-t-il faire? Après que ces reproches que je m'adressais furent passés, il s'ensuivit ainsi. Eh bien, s'il faut que je sois sa femme, s'il plaît à Dieu me donner sa grâce, je lui serai bonne femme et fidèle, et je l'aimerai selon l'étrange excès de la passion qu'il a pour moi. Je lui ferai des amendes parce qu'il verra pour les torts que je lui fais et qu'il ne voit pas. Il était impatient que je sortisse de ma chambre, mais trouvant que je restais trop longtemps, il descendit l'escalier et parla à l'hôte au sujet du ministre. Mon hôte, gaillard officieux, quoique bien intentionné, avait fait chercher l'ecclésiastique. Et quand mon monsieur se mit à lui porter de l'envoyer chercher, « Monsieur, dit-il, mon ami est dans la maison. » Si bien que sans plus de paroles, ils les firent rencontrer ensemble. Quand il trouva le ministre, il lui demanda s'il voudrait bien s'aventurer à marier un couple d'étrangers, tous deux de leur gré. L'ecclésiastique répondit que M lui en avait touché quelques mots, qu'il espérait que ce n'était point une affaire clandestine, qu'il lui paraissait avoir affaire à une personne sérieuse et qu'il supposait que madame n'était point jeune fille où il eût fallu le consentement d'amis. « Pour vous sortir de doute là-dessus, dit mon monsieur, lisez ce papier. » Et il tire la licence. « Je suis satisfait, dit le ministre. « Où est la dame ? » ?»« Vous allez la voir tout à l'heure, dit mon monsieur. » Quand il eut dit, il monta l'escalier, et j'étais à ce moment sorti de ma chambre. De sorte qu'il me dit que le ministre était en bas, et qu'après lui avoir montré la licence, il s'accordait à nous marier de tout son cœur, mais il demandait à me voir. De sorte qu'il me demandait si je voulais le laisser monter. « Il sera assez temps, dis-je, au matin, n'est-ce pas ? » ?»« Mais, dit-il, mon cœur, il semblait entretenir quelque scrupule que ce fût quelque jeune fille enlevée à ses parents, et je lui ai assuré que nous étions tous deux d'âge à disposer de notre consentement, et c'est de là qu'il a demandé à vous voir. « Eh bien, dis-je, faites comme il vous plaira. » De sorte que voilà qu'on fait monter l'ecclésiastique. Et c'était une bonne personne, de caractère bien joyeux. On lui avait dit, paraît-il, que nous nous étions rencontrés là par accident, que j'étais venu dans un coche de Chester et mon monsieur dans son propre carrosse pour me rencontrer, que nous aurions dû nous retrouver la nuit d'avant à Stony Stratford, mais qu'il n'avait pu parvenir jusque-là. « Eh bien, monsieur, dit le ministre, en tout mauvais tour, il y a quelque bien. Le désappointement, monsieur, lui dit-il, a été pour vous, et le bon tour est pour moi. Car si vous vous fussiez rencontrés à Stony Stratford, je n'eusse pas eu l'honneur de vous marier. Notre hôte, avez-vous un livre ordinaire des prières ? » Je tressautai comme d'effroi. « Monsieur, m'écriai-je, que voulez-vous dire ? Quoi ? Se marier dans une auberge ? Et la nuit ? » ?»« Madame, dit le ministre, si vous désirez que la cérémonie en soit passée à l'église, vous serez satisfaite. Mais je vous assure que votre mariage sera aussi solide ici qu'à l'église. Nous ne sommes point astreints par les règlements à ne marier nulle part qu'à l'église. Et pour ce qui est de l'heure de la journée, elle n'a aucune importance dans le cas présent. Nos princes se marient dans leur chambre, et à 8 ou 10 heures du soir. » Je fus longtemps avant de me laisser persuader, et prétendis répugner entièrement à me marier, sinon à l'église. Mais tout n'était que grimace. Tant qu'à la fin je parus me laisser fléchir, et on fit venir notre hôte, sa femme et sa fille. Notre hôte fut père et clerc et tout ensemble. Et bien joyeux nous fûmes, quoique j'avoue que les remords que j'avais éprouvés auparavant pesaient lourdement sur moi et m'arrachaient de temps à autre un profond soupir, ce que le marié remarqua et s'efforça de m'encourager, pensant, le pauvre homme, que j'avais quelques petites hésitations sur le pas que j'avais fait tant à la hâte. Nous tîmes pleine réjouissance ce soir-là, et cependant tout resta si secret dans l'hôtellerie que pas un domestique de la maison n'en sut rien, car mon hôtesse et sa fille vinrent me servir et ne permirent pas qu'aucune des servantes montât l'escalier. Je pris la fille de mon hôtesse pour demoiselle d'honneur, et en voyant chercher un boutiquier le lendemain matin, je fis présent à la jeune femme d'une jolie pièce de broderie, aussi jolie qu'on put en découvrir en ville. Et, trouvant que c'était une ville dentelière, je donnai à sa mère une pièce de dentelle au fuseau pour se faire une coiffe. Une des raisons pour lesquelles notre hôte garda si étroitement le secret fut qu'il ne désirait pas que la chose vînt aux oreilles du ministre de la paroisse. Mais, si adroitement qu'il s'y prit, quelqu'un en eut vent, si bien qu'on mit les cloches à sonner le lendemain matin de bonne heure et qu'on nous fit sous notre fenêtre toute la musique qui put se trouver en ville. Mais notre hôte donna couleur que nous étions mariés avant d'arriver. Seulement qu'étant autrefois descendu chez lui, nous avions voulu faire notre souper de noces dans sa maison. Nous ne pûmes trouver dans nos cœurs de bouger le lendemain, car, en somme, ayant été dérangés par les cloches le matin, et n'ayant peut-être pas trop dormi auparavant, nous fûmes si pleins de sommeil ensuite que nous restâmes au lit jusqu'à près de midi. Je demandai à mon hôtesse qu'elle fît en sorte que nous n'eussions plus de tintamarre en ville, ni de sonnerie de cloche, et elle s'arrangea si bien que nous fûmes très tranquilles. Mais une étrange rencontre interrompit ma joie pendant assez longtemps. La grande salle de la maison donnait sur la rue, et j'étais allée jusqu'au bout de la salle, et, comme la journée était belle et tiède, j'avais ouvert la fenêtre, et je m'y tenais pour prendre l'air, quand je vis trois gentilshommes qui passaient à cheval, et qui entraient dans une hôtellerie, justement en face de la nôtre. Il n'y avait pas à le dissimuler, et je n'eus point lieu de me le demander. Mais le second des trois était mon mari du Lancashire. Je fus terrifiée jusqu'à la mort. Je ne fus jamais dans une telle consternation en ma vie. Je crus que je m'enfoncerais en terre. Mon sang se glaça dans mes veines, et je tremblai comme si j'eusse été saisie d'un accès froid de fièvre. Il n'y avait point lieu de douter de la vérité, dis-je. Je reconnaissais ses vêtements, je reconnaissais son cheval, et je reconnaissais son visage. La première réflexion que je fis fut que mon mari n'était pas auprès de moi pour voir mon désordre, et j'en fus bien heureuse. Les gentilshommes ne furent pas longtemps dans la maison, qu'ils vinrent à la fenêtre de leur chambre, comme il arrive d'ordinaire. Mais ma fenêtre était fermée, vous pouvez en être sûr. Cependant, je ne pus m'empêcher de les regarder à la dérobée, et là je le revis encore. Je l'entendis appeler un des domestiques pour une chose dont il avait besoin, et je reçus toutes les terrifiantes confirmations qu'il était possible d'avoir sur ce que c'était la personne même. Mon prochain souci fut de connaître l'affaire qui l'amenait, mais c'était une chose impossible. Tantôt mon imagination formait l'idée d'une chose affreuse, tantôt d'une autre, tantôt je me figurais qu'il m'avait découverte et qu'il venait me reprocher mon ingratitude et la souillure de l'honneur. Puis je m'imaginais qu'il montait l'escalier pour m'insulter, et d'innombrables pensées me venaient à la tête de ce qui n'avait jamais été dans la sienne, ni ne pouvait y être, à moins que le diable le lui eût révélé. Je demeurai dans ma frayeur près de 2 heures et quittai à peine de l'œil la fenêtre ou la porte de l'hôtellerie où ils étaient. À la fin, entendant un grand piétinement sous le porche de leur hôtellerie, je courus à la fenêtre. Et, à ma grande satisfaction, je les vis tous trois ressortir et prendre la route de l'ouest. S'ils se fussent dirigés vers Londres, j'aurais été encore en frayeur qu'il me rencontrât de nouveau et qu'il me reconnût. Mais il prit la direction contraire, de sorte que je fus soulagé de ce désordre.